Chapitre 140. La demande de la permission d'entrée et ses règles. Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate et de saluer leurs habitants. Sourate 24, verset 27. Et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés. Sourate 24, verset 59. 870. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: on doit demander la permission d'entrer à trois reprises. Si elle t'est accordée, entre. Sinon, repars. Al-Bukhari et Muslim. 871. Selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: la permission d'entrer chez les gens n'a été prescrite que pour préserver leur intimité. Al-Bukhari et Muslim. 872. D'après Rib'i ibn Hirash, un homme des Bani Amir lui a rapporté qu'il avait demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, l'autorisation d'entrer chez lui en disant: « Puis-je entrer ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit à son serviteur: « Sors et apprends-lui la manière de demander l'autorisation d'entrer, qu'il dise « Que la paix soit sur vous, assalamu alaykum, puis-je entrer ?» L'homme l'entendit et dit: que la paix soit sur vous, puis-je entrer? Le prophète alayhi salatu wassalam l'autorisa alors à entrer. Abu Daoud avec une chaîne authentique. 873. Kilda ibn al-Hanbal radiyallahu anhu rapporte qu'il est un jour rentré chez le prophète alayhi salatu wassalam pour une visite mais sans saluer. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors: ressors et dis que la paix soit sur vous. Puis-je entrer? Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan.